Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu anibariki ninyi nyote. Vous levez, nous allons lire la parole. Musimame tutasoma neno la Mungu. Nous lisons dans Daniel 12. Tutasoma mu kitabu ya Danieli sura 12. Verset 8 à 10. Mstari ya 8 kufika na 10. Daniel chapitre 12, verset 8 à 10. Danieli sura 12 mstari ya 8 kufika na 10. Et moi, j'entendis mais je ne compris pas. Na mimi nikasikia lakini sikuelewa. Et je dis mon Seigneur. Na nikamwambia Bwana wangu. Quelle sera l'issue de ces choses? Mwisho ya maneno haya itakuwa namna gani? Et il dit, na yakajibu, va Daniel, uende Danieli, car ces paroles seront cachées serait jusqu'au temps de la fin. Kwani maneno haya itakuwa yenye kufichwa na yenye kutiwa muhuri kufika na kumwisho. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Ba mingi batakasiwa na kuwa safi. Et les méchants agiront méchamment. Alakini batu baovu batendelea kuwa baovu. Et aucun des méchants ne comprendra. Hakuna hata muovu moja ula taelewa. Mais les sages comprendront. Alakini ne paka benye kima njo bataelewa. Gloire et gloire. Alléluia. Mungu wetu na baba yetu aliye juu mbinguni. Créateur des cieux et la terre. Mumbaji wa mbingu na dunia. Voici devant ta face. Shiaba tena mbele ya uso wako. Disposé à recevoir l'instruction venant de toi. Benye kwa tayari kupokea maagizo kutoka kwako. Puisses-tu descendre ce soir. Upate kushuka mangaribi ya leo. Et nous enseigner ta parole. Na utufundishe neno lako. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Viens vous asseoir. Munawezi kuketi. Nous sommes toujours dans ce sujet intitulé Les sages comprendront. Tukupaka mui kishina maubiri yenye kuitwa benye kima bataelewa. J'aimerais faire comprendre l'église ce soir. Mina penda kanisa ipate kuelewa hii mangaribi. Que Dieu est le seul sage qui soit. Ya kwamba Mungu ndio peke yake wa hekima. Dieu est le seul sage qui soit. Mungu ndio peke yake wa hekima. Je n'ai pas inventé ça, c'est dans la Bible. Mishi tunge hapana inatokea um Biblia. Romains chapitre 16 verset 27. Warumi 16:27. À Dieu, kwa Mungu peke seul sage. Peke yake ndio wa hekima. Vous croyez ça? Munaamini vile? À Dieu, Mungu peke yake seul sage. Peke yake ndio wa hekima. Soit la gloire au siècle des siècles. Sifa imweleke milele na milele. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Amen. Amina. Donc Dieu est le seul sage qui soit. Manake Mungu peke yake ndio wa hekima. Et vous ne pouvez pas être sage si vous n'avez pas été en contact avec ces dieux sages. Hawezi kuwa na hekima kama huyu ingia mapatano na huyu Mungu wa hekima. Ce qu'on raconte dans les villages là-bas, c'est pas ce que Dieu appelle la sagesse. Bile wako nasema mukijiji aina bile Mungu wako naita hekima. La sagesse c'est celle qui vient de Dieu. Hekima ni ile ya kutokea kwa Mungu. Dieu est le seul sage qui soit. Mungu peke yake ndio wa hekima. Et pour être sage, pawe kuwa na hekima, il faut entrer en contact avec les dieux sages. Inapashi uingie mapatano na Mungu wa hekima. C'est vrai. Ni kweli. Osée 14 verset 9. Hosea 14 mstari ya 9. Inaita Kristesi. Wanaandika hivi. Hosea 14 verset 9. Hosea 14 mstari ya 9. Que celui qui est sage, mwenye kwa na hekima, prenne garde à ces choses. Apate kusopoka kwa maneno haya. Que celui qui est intelligent, mwenye kwa na akili, le comprenne. Apate kuielewa. Car kwani les voies de l'Éternel sont droites. Manjia ya Yehova ni ya kunyoloka. Les justes y marcheront. Benye haki watatembeleamo. Mais les rebelles y tomberont. Alakini watombozi watangukamo. Un enfant de Dieu ne peut pas être chopé par la parole de Dieu. Mutoto wa Mungu a Yesu kukwazika na neno la Mungu. Un enfant de Dieu est toujours édifié par la parole. Mutoto wa Mungu kila mara neno la Mungu iko na mujenga. Et je dois vous dire ce soir. Mtamiambia mangaribi ya leo. Personne hakuna mtu ne comprend mieux la parole plus que Dieu. Hakuna mtu hata moyo ule uko naelewa mzuri neno la Mungu kumshindia Mungu. Dieu comprend sa parole même plus que les prophètes. Mungu ako naelewa neno lake kushindia hata manabii. Il y a des choses que Dieu ne dit pas aux prophètes. Huko vitu vingine Mungu ashambie manabii. Deutéronome 29. Kumbukumbu la Torati 29:9. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Vitu vyenye kufichwa ni vya milele Mungu wetu. Et les choses révélées. Na vitu vyenye kufunuliwa. Sont à nous et à nos enfants. Ni vyetu sisi na watoto yetu. C'est comme ça avec Dieu. Jo vile na Mungu. Tu vois par exemple le secret de ce qu'on dit le Saint-Tonnerre. Ah, tu dukubrana wasema ma ile inasemewa ma miuri saba. Dieu n'a pas donné ça au prophète. Mungu ashikumpatie nabii. Il a vu cela passer comme dans une langue inconnue. Aliona tu kupita muruga asipo kuyua. C'est passé à toute vitesse. Il pita kwa haraka sana. Il dit, je cherchais l'interprétation. Alisema mimi natafuta matafsiri yayo. Mais je n'ai pas trouvé. Lakini sikuipata. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Vitu vyenye kufichwa ni vya Yehova Mungu wetu. Mais les choses révélées. Lakini vitu vyenye kufunuliwa. Sont à nous et à nos enfants. Ni vyetu sisi na kwa watoto yetu. Perpétuité. Kwa milele. C'est ce que la Bible dit. Jo kile Biblia kunasema. Dieu fait ces choses. Mungu anafanya maneno haya. Afin de montrer qu'il est le seul sage. Ili apate kuonesha sema yeko peke yake wa hekima. Et nous devons toujours recourir à lui. Na tunapashi pa kumukimbiria yeye. Et je me dis ceci frère. Napenda kusema hivi banduku. Dieu n'aura jamais tort quelque part. Mungu hawezi kuwa na kosa hata mara moja. Dieu a toujours raison. Eko paka na sheria. Quand une situation surgit, wakati mambo kitokelea, ne vous plaignez jamais. Apana kulia kana. Confiez-vous au Seigneur. Ulitumainie tu Bwana. Il aura toujours raison. Ye atakuwa kila mara na sheria. Vous savez quand Frère Branham était mort. Munayo wakati ndugu Branham alikufa. Les gens croyaient que l'œuvre de Dieu s'était arrêtée. Bantu baruwazia sema kazi ya Mungu inashimama. C'est la raison pour laquelle les Américains. Jo kwa maana wa Amerika. On conservait le corps de Frère Branham jusqu'en avril. Bari chunga mwili ya ndugu Branham kufika na mwezi ya 4 1966. Parce qu'ils espéraient sa résurrection. Jo bari kwa natumainia sa ndugu Branham atafufuka. Comment l'œuvre de Dieu pouvait continuer sans Branham? Abakone namna kanikazi ya Mungu itendelea vile Branham anako. Mais l'œuvre de Dieu a continué sans Branham. Alakini kazi ya Mungu iliendelea hata vile Branham anako. Dieu lui-même achèvera son œuvre. Mungu yeye mwenyewe atamaliza kazi yake. C'est la vérité, frère. Ni kweli nduku. Branham est mort. Branham alikufa. Le 24 décembre 65. Le 24 décembre 1965. Ils ont dit, il va ressusciter dans trois jours. Marisema atafufuka kisha masiku tatu. Il n'est pas ressuscité. Ashikufufuke. Ils ont dit, dans 40 jours. Wanasema masiku makumi ine. Il n'est pas ressuscité. Ashikufufuke ata vile. Ils ont dit, ah, comme Pâques signifie la résurrection. Sa vile pasaka manake ni ufufuko. Alors, il va ressusciter à Pâques. Kumbi atafufuka mu pasaka. Ils sont arrivés à Pâques. Barifika na mpasaka. Frère. Nduku. Frère Frank a quitté l'Allemagne. Nduku Frank alitoka ku Germany. Il est allé aux États-Unis. Akenda kule kwa Amerika. Il dit, j'aimerais voir dans les cercueils. Anasema mina penda nione mu sanduku. C'est vraiment le corps de Frère Branham qui est là. Ya kwamba kama ni kweli ni mwili ya Nduku Branham iko mule. On a ouvert le cercueil. Banafungula sanduku. Il a vu le corps de Frère Branham se reposant avec un sourire. Akaona mwili ya Nduku Branham yenye kulala na kicheko. Donc son corps était là. Mwili yake ilikuwa pale. Souriant. Lakini mwenye kucheka. Pour un chrétien, la mort est un gain. Kwa mkristo kufa ni faida. Ce sont les païens qui tremblent devant la mort. Ni bapagano njoba na tetemeka kambele ya lufu. Mais pour nous, la mort est un changement d'adresse. Kwa sisi kufa ni kubadilika tu mafazi ya kuikala. Et nous allons dans un monde meilleur que celui-ci. Tunaenda mulimwangu wa mzuri kushindia hii. C'est pourquoi frère aujourd'hui. Hein? Je comprends dans tout couleur. Si tu es en Christ. Kama ukukatika Kristo. On t'amène seulement au paradis là. Ba kupeleke tu ku paradiso. Tu n'accepteras pas de revenir. Hautaitikia kurudia pa hii dunia. Ici c'est sale. Pa ifashi peko buchafu sana. Mais là-bas c'est très beau. Kule kuku kuzuri sana. C'est vrai. Ni kweli. Branham s'est reposé là fièrement. Branham alikuwa anapumzika pale na fieri yote. Dans le cercueil. Mu sanduku. Frank a ouvert, il a demandé qu'on ouvre. Frank a galomba va mufungurie. Il a vu frère Branham. Ariona nduku Branham. Souriant. Mwenye kucheka. Il dit refermé. Akasema mufunge. On amène le corps au cimetière le 11 avril 66. Bakazika le 11 avril 1966. L'homme qui est mort le 24 décembre 65. Mutula rukufon le 24 décembre 1965. On garde son corps jusqu'en avril 66. Bakatunga mwili yake kufika no avril 1966. Les Américains America, ne voyaient pas comment l'œuvre de Dieu peut continuer sans cet homme-là. Abakone na mnakani kazi ya Mungu inaweza kuendelea bila nduku Branham. Frère, nduku, il faut comprendre que il a pas kuelewa ya kwamba dans l'œuvre de Dieu, mu kazi ya Mungu, Dieu seul est compétent. Mungu peke yake ndio mwenye kuiua. Il est écrit dans Isaïe 53, 10 que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses propres mains. Il m'a dit comme Isaïe kwamba kazi ya Yehova itaendelea mu mikono yake mwenyewe. Même cette œuvre ici. Ata hii kazi. C'est pas un homme qui l'a fait prospérer. Aina mtu aliendelesha kumbele. C'est le Seigneur qui l'a fait prospérer. Ni Bwana Mungu ndiye aliendelesha kumbele. Ça, il faut le savoir. On n'a pas à file. Et en ce moment, aucun homme ne peut se glorifier de ce qui se passe ici. Mouille wakati akuta kwa mutu akujitukuza na ile kuna fanyika hapa. Toute la gloire reviendra au propriétaire de l'œuvre. Utukufu itamurudiria mwenyekazi. Dieu a ses hommes qui l'utilisent ici. Mungu yako na bantu yake wale kuna tumikisha. Kongo Indai la. Kongo Indai. José Mbala. José Mbala ule ko pale. Ya yile frère Senga aussi qui est malade maintenant là. Nanduku Senga ule ko mgonja kule. Ce sont des ouvriers dans la main du Seigneur. Ni batenda kazi benye kupatikana mikono ya Bwana. Branham était un ouvrier dans la main du Seigneur. Branham alikuwa mtenda kazi mikono ya Bwana. Frank fut un ouvrier dans la main du Seigneur. Na yarikuwa mtenda kazi mikono ya Bwana. Et le Seigneur fait de ses ouvriers ce qu'il veut. Bwana yuko nafanya na batenda kazi yake bila vyote anapenda. Et quand Dieu termine avec un homme, il le reprend. Wakati Mungu akimaliza na mtu anamchugua. Et son ministère s'arrête là. Na kazi yake inaishia paka pale. Frère, nduku, le ministère de frère Branham est complètement achevé. Butumishi ya nduku Branham ebunesha malizika kabisa kabisa. Depuis le 24 décembre 65. Tangia le 24. Son ministère était complètement terminé. Kazi yake ilimalizika kabisa kabisa. Depuis le 8 juin 2024. Depuis le 8 juin 1924. Le ministère de frère Frank était complètement terminé. Butumishi ya nduku Frank nabo burimalizika kabisa kabisa. Mais le ministère de l'esprit. Alakini kazi ya roho continue jusqu'à l'enlèvement. Yo ikunaendelea kufika na kunyanyuliwa. Ça il faut le retenir. Munapashi kuishika vile. C'est vrai. Ni kweli. Voilà pourquoi. Je crois mana. Dieu avait dit à frère Branham le 11 juin 1933. Mungu alimwambia nduku Branham le 11 juin 1963. De même que Jean-Baptiste est envoyé. Paka vile Yohana Mbatizaji alitumwa. Comme précurseur de la première venue du Messie. Sawa mutangulizo wa kuja kwa kwanza kwa Masia. Tu seras envoyé avec un message. Na wewe utatumwa na ujumbe. Qui préparera la seconde venue du Messie. Ile itatayarisha kuja kwa pili kwa Masia. Branham. Branham a porté ce message. Arileta yujumbe. Et Dieu l'a repris. Na Mungu alimchugua. Mais Branham avait dit. Lakini Branham alisema. Si vous lisez dans l'esprit de vérité. Kisha mie. Mukisoma mu esprit ya vérité paragraphe 20. Il a dit après moi. Alisema kisha mimi. Dieu suscitera un homme. Mungu atalamusha mtu mwingine. Qui continuera avec le message. Ula taendelea na ujumbe. Et vous. Namweye. Écoutez ceci. Mumusikie. Tant que c'est scripturé. Wakati ile ni yenye kuandikwa. Accrochez-vous à cela. Mwambatane na ile atasema. Et après lui, kisha yeye, Dieu a suscité Ewald Frank. Mungu alilamusha Ewald Frank. Qui a pris ce même message? Huyo alichukua paka ujumbe moya moya. Il l'a porté jusqu'aux extrémités de la terre. Aliipeleka kufika na kumipaka dunia. Et quand ce message, wakati ujumbe, a atteint les extrémités de la terre, ilifika kumipaka dunia. Frank a dit, Ndugu Frank alisema, Seigneur, Bwana, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Wache sasa mtumishi wako ende msalama. Car mes yeux, kwani macho yangu, ont vu l'accomplissement de ta parole. Inaona kutimilika kwa neno lako. Et le 8 juin, Dieu l'a retiré. Le 8 juin, Mungu alimchukua. Dieu a retiré Branham. Mungu alichukua Branham. Dieu a retiré Frank. Mungu alimchukua Frank. Mais Dieu lui-même est présent. Lakini Mungu yeye mwenyewe kwako. Ça le problème, frère. Joy le mambo nduku. Frère Branham a porté le message. Ndugu Branham alileta ujumbe. Il est parti. Alienda. Il a dit à frère Frank. Alimwambia ndugu Frank. Il retournera en Allemagne avec ce même message. Utarudia mu Germany paka na ujumbe moya moya. Frank retourne en Allemagne avec ce message. Ndugu Frank arudia mu Germany na ujumbe moya moya. Wakati Branham alienda. Il a pris le message. Yeye alichukua ujumbe. Il nous l'a apporté. Alitulete yayo. Même nous au Congo ici. Na sisi huku Congo. Nous sommes les fruits de ce ministère là. Tuko matunda ya utumishi ndugu Frank. Il nous l'a apporté. Alitulete yayo. Jusqu'au extrême de la terre. Kufika na kumipaka dunia. Quand Dieu a vu que wakati Mungu aliona ya kwamba son travail est terminé. Kazi yake inamalizika. Dieu a repris son serviteur. Mungu alimchukua mtumishi wake. Mais Jésus est resté avec nous. Lakini Yesu alibakia pamoja nasi. Il a dit dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Alisema Mathayo 28:20. Matthieu 28 verset 20. Mathayo 28:20. Il a dit ceci. Alisema hivi. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mwafundishe washike ile yote nalimeandikia. Et voici. Tazama. Je suis avec vous. Niko na pamoja na mweye. Tous les jours. Masiku yote. Jusqu'à la fin du monde. Kufika na kumwisho wa dunia. Qui croit que Jésus est avec nous? Nani ula na mimi nasema Yesu yuko pamoja nasi hapa. Mungu amibariki. Voici je suis avec vous. Tazama niko pamoja na mweye. Tous les jours. Masiku yote. Jusqu'à la fin du monde. Kufika na kumwisho wa dunia. Une autre interdiction dit. Ne kugeza kwingine kunasema. Jusqu'à la consommation du temps. Kufika na mwisho wa nyakati. Dans Matthieu 18 verset 20. Mathayo 18:20. Il est écrit ceci. Banandika hivi. Matthieu 18, 20. Matthayo 18:20. Car. Kwani. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Pale bawili wala batatu bankusanika mujina langu. Je suis au milieu. Niko katikati yabo. Donc, le Seigneur est avec nous. Manake Bwana yuko pamoja nasi. C'est pourquoi Jean dans l'île de Patmos. Jo komanda Yohana mukisanga Patemo. D'Apocalypse chapitre 1er. Mufunuo sura ya kwanza. Il l'a vu. C'est un an au milieu de sept chandeliers d'or. Arimona mwenye kusimama katikati ya binara saba ya zahabu. C'est-à-dire. Manake. D'Ephèse jusqu'à la Odyssée. Tangia Ephèse kufika na Laodikia. C'est Jésus qui est présent. Yesu ndio yuko pale. Au moment nous parlons. Wakati tunasema. Tous les sept messagers sont morts. Bajumbe bote saba baisha kufa. Ils sont partis. Basha enda. Au moment nous parlons. Wakati tunaongea. Même le serviteur fidèle et prudent est parti. Hata mtumishi mwerevu anaye anaenda. Mais ce qui nous fait du bien. Ile inatufanya mzuri. L'auteur de la parole. Mwanzishi wa neno. Il est toujours présent avec nous. Mwenye neno yeko pamoja nasi. Et continue avec nous. Na yuko naendelea pamoja nasi. C'est vrai. Ni kweli. Remarquez l'homme. Tazameni mtu. Que Dieu avait mandaté pour distribuer la nourriture. Ule Mungu alituma njoo kukagwanya chakula. Il est parti. Anesha enda. Mais la nourriture n'est pas partie. Alakini chakula yo haikwende. Parce que cet homme là. Jule mtu ule. Dieu l'avait établi sur les domestiques de sa maison. Mungu alimweka yule abatumishi ya nyumba yake. Et nous sommes les domestiques de sa maison. Na sisi tuko batumishi ya nyumba yake. Il a pris la nourriture, il nous l'a donné. Alichukua chakula anatupatia yo. Lui est parti. Ye alienda. Nous prenons la même nourriture, nous vous la donnons. Tunachukua paka ile chakula moyo tunamigawanya yo. Remarquez, aujourd'hui nous sommes le Tazameni leo tu le 25. Le 25. Hein? Léo Tougou, le 25 juillet. Le 25 juillet. Le 25 juillet. Lui est parti depuis le 8 juin. Yé Ariane d'Atangia le 8 juin. Est-ce que vous ne mangez pas? Et Yamukulaki. Est-ce que vous êtes nourri? Et Bebona Milisha. C'est-à-dire. Manake. La nourriture est encore. Chakula Ingariki. Et la distribution. distribution de la nourriture. Kugawanya kwa chakula. Continuera jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Utaendelea kufika na pale Bwana atarudia. Vous ne mourrez pas de faim. Amuta kufa njala kamwe. Parce que la nourriture est abondante. Juu chakula iko ya mingi. Bien mes frères. Bapendo banduku. Dieu fait parfois des choses. Mungu wangu anafanya bitu afin de montrer à son peuple. Dieu apate kuonesha taifa yake. Il faut seulement compter sur lui. Ya kwamba inapasha kumtumainia paka yeye. Frère Branham était là dans le cercueil. Duku Branham alikuwa mule musanduku. Et on arrive au cimetière. Na wakafika ukaburi. Les Américains ne font que chanter quoi seulement. Ba America barikuwa naimba paka waamini tu muamini tu. Masambili muzima. Ils chantaient seulement quoi seulement. Barikuwa naimba waamini waamini tu. Ils ont espéré à la résurrection de Branham. Duba tumainia sana nduku Branham atafufuka. Frère Frank s'est tenu debout. Duku Frank akasimama bwima. Il dit frère. Akasema banduku. C'est un homme. Ni muntu. Enterrez-le. Mumuzike. Il n'est pas le Seigneur. Ana Bwana Yesu. Et on l'a enterré. Na bari muzika. Tout le monde est parti de là dessus. Bote bakaenda benyo kosewa. Si vous comptez sur un homme, vous serez déçu. Kama ukitumainia muntu, utakosewa tapatishwa haya. Mais celui qui espère dans le Seigneur ne sera jamais confus. Una tatumainia Bwana Yesu, Yesu achezi kupatishwa haya. C'est vrai. Ni kweli. Tout le monde est parti de là désemparé. Bote bakatoka pale banakosa tumaini. Fafak dit. Donc Frank Ansem, je pleurais amèrement. Miriria sana. Je me dis Seigneur, nikasema Bwana, comment ton église obtiendra la perfection sans le ministère de cet homme? Namna kanikanisa yako tafika mukamilifu bila utumishi huyu mtu. Et il était dans la chambre. Alikuwa mchumba. Ça il me l'a expliqué moi le 2 mars ici quand j'étais à Krefeld. Yari nifasilia mie le 2 mars wakati narienda kule ku Krefeld. J'étais avec des frères de Bruxelles. Pourquoi na bantu kwa ku Bruxelles? Avec un frère de Paris, d'ailleurs, ce frère de Paris là m'a appelé hier pour me dire que notre témoignage que tu as donné à Colosie là, moi je suis aussi témoin, j'étais présent. Na ule nduku wa Paris arinita jana niambia ushuda urileta Colosie, mimi nilikuwa pale mshuda. Il nous dit ceci. Antuambia hivi. Je me levais pour aller vers la chaise. Na nilamka juu niende kukiti. Une voix, j'ai entendu une voix dans mon cœur. Nikasikia sauti mwa roho yangu. Mon serviteur. Nikaniambia mtumishi wangu. Ton temps est arrivé. Wakati yako inafika. Pour que tu ailles de ville en ville. Upate kwenda mkila mji. Prêcher ma parole. Ja kubiri neno langu. Pour que tu puisses distribuer la nourriture. Na upate tena kugawanya chakula. C'est ainsi que sans interruption. Ja kwamba na bila kusimamisha. L'œuvre de Dieu continue. Kazi ya Mungu itaendelea. Sans interruption. Bila kuisimamisha. Dieu continue avec son œuvre. Mungu akoendelea na kazi yake. Frère, nduku. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de vacances. Mukazi ya Mungu hakuna kupumzika. Dans l'œuvre de Dieu, c'est la continuité. Mukazi ya Mungu ni kuendelea. Quand Dieu finit avec tel, wakati Mungu akimaliza na fulani, Dieu continuera avec l'autre. Atendelea na mtu mwingine. Quand Dieu avait fini avec Moïse, wakati Mungu alimaliza na Musa, directement. Pale pale. Dieu a continué avec Josué. Mungu aliendelea na Yoshua. Quand Dieu avait fini avec Élie le Tishbite. Wakati Mungu alimaliza na Elia Mtishbite. Directement. Pale pale. Dieu a continué avec Élisée. Mungu aliendelea na Elisha. Quand Jean-Baptiste c'était terminé pour lui. Wakati Yohana Mbatizaji alimalizika kwake. Jésus directement est entré en scène. Yesu pale pale aliingia mukibeta. Quand Dieu a fini avec Branham. Wakati Mungu alimaliza na Branham. Directement Frank a continué. Pale pale Frank aliendelesha. Et Dieu vient de finir avec Frank. Mungu anamaliza na Frank. Pale pale batumishi na baba nendelesha. Aujourd'hui, Léo I, nous n'attendons plus un grand homme de Dieu. Atuchunge tena mtu mkubwa wa Mungu, mtumishi mkubwa hapana. Hastakuya tena. Celui que nous attendons maintenant. Ule tu kunachunga hapa sasa. Ni Bwana Yesu yeye mwenyewe. Lui-même viendra pour achever son œuvre. Yeye mwenyewe atakuja juu kumaliza kazi yake. Ensemble de Kambove. Kanisa ya Kambove. Le Dieu en qui vous croyez. Mungu le munaamini. Le Dieu que nous vous prêchons. Mungu le tukunamhubiri. Yeshua Shama. Astashindwa kame. C'est vrai. Ni kweli. Il n'échouera jamais. Achezi kushindwa kamwe. Dieu ne fait pas de faux calculs. Mungu ashifanyake mahesabu ya kosa. Un homme peut faire un calcul. Mutu anaweza kufanya mahesabu. Dit je fais mon champ. Tafanya mashamba yangu. Alors quand ça va produire. Wakati pale taleta mavuno. Je vendrai. Tauzisha. J'aurai 20,000 dollars. Tapata 20,000 dollars. Et tu fais le champ. Na unafanya mashamba. Ça ne produit pas. Ailete mavuno mazuri. Ça, c'est le plan des hommes. Ile ni mapu ya batu. Le plan des hommes peut échouer. Mapu ya bantu inezi kukosa. Mais le plan de Dieu n'échouera jamais. Alakini mapu ya Mungu ayezi kukosa kamwe. Ça, il faut le retenir. Inapashi kuishika vile. Écoutez, je vais lire quelques écritures. Musikilize, tasoma mandiko fulani. Prenons Esaïe 45, verset 23. Isaïa makumi ine na tano, makumi mbili na tatu. Nous avons fait un Dieu qui ne ment point. Tuku na Mungu la wezi kamwe kulongofia. Dieu est toujours véridique. Mungu eko paka wa kweli. Esaïe 45. Isaïa makumi ine na tano. Verset 23. Musaïa makumi mbili na tatu. Il est écrit. Banandika hivi. Je le jure par moi-même. Na ilapa kwa mimi mwenyewe. Frère. Nduku. Nous nous jurons par celui qui est plus grand que nous. Si si tu kunalapa munjina ya ule kumkubwa kutushindia. Mais Dieu n'a pas quelqu'un qui est plus grand que lui. Mungu ye ana na mwingine wa kumshindia pana. Parce que notre Dieu il est le très haut. Dieu Mungu wetu ni wa juu sana. Au-dessus de lui il n'y a personne. Yulu yake hapana mwingine. C'est lui qui est au-dessus de tous. Yeye ndiye ko yulu ya bantu bote. C'est pourquoi il peut pas jurer par quelqu'un d'autre. Kwa maana shesi kulapa munjina mtu mwingine hapana. Il dit je le jure par moi-même. Anasema mimi na ilapa munjina wangu mwenyewe. Et ma parole ne sera point révoquée. Et puis donc, il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. Na kila ulimi italapa mujina langu. Si tu veux jurer. Kama unapenda kulapa. Jure au nom du Seigneur. Ulape mujina Bwana. Mais lui. Alakini quand yeye, il veut jurer. Wakati anapenda kulapa. Il jure par lui-même. Atalapa mujina yake mwenyewe. Parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Jua kuna mtu uleko yulu yake. Il dit. Anasema. La vérité sort de ma bouche. Ukweli natoka mukinyo yangu. Et ma parole ne sera point révoquée. Neno langu hakuna namna kurudiria mo. Ta parole à toi là. Neno lako wewe. Et peut-être révoquée. Unaweza tena kurudiria mo sema hapana haina vile. Même la parole du pasteur peut être révoquée. Attends, misemo wa pastori, anaweza tena kurudiria mo sema haina vile. Il peut dire une chose aujourd'hui, demain change. Anaweza sema kitu leo kesho anakibadilisha. Mais la parole de Dieu. Alakini neno ya Mungu. Elle est irrévocable. Hakuna namna ya kurudiria mo juu ya kuibadilisha. Personne ne peut la révoquer. Hakuna mtu akuibadilisha. Et quand Dieu prononce sa parole. Wakati Mungu akisema misemo. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Eko na kesha yule ya misemo yake juu ya kuitimiza. C'est Jérémie chapitre 1. Ni Yeremia sura ya kwanza. Verset 11 à 12. Musari ya 11 na 12. Il est écrit ceci. Nanandika hivi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Neno ya Yehova ilinielekea muhimu semo. Que vois-tu Jérémie? Unaona nini Yeremia? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Nikasema mimi naona matawi ya mandimu. Et l'Éternel me dit. Na Yehova kaniambia. Tu as bien vu. Unaona mzuri. Car. Kwani? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ni kuna kesha yulu ya neno langu juu nipate kuitimiza. Dieu a dit à Jérémie. Mungu alimwambia Yeremia. Tu as bien vu. Unaona mzuri. Parce que ce que Jérémie voyait. Juu ile Yeremia alikuwa naona. C'est ce que Dieu avait déjà vu. Njo ile Mungu alitanguliaka kuona. C'est ce que tu vois. Kama kile wewe unaona. N'est pas ce que Dieu a déjà vu. Akina kile Mungu alitangulia kuona. Dieu ne te dira jamais tu as bien vu. Mungu hawezi kama kukuambia sema unaona mzuri. Pour que Dieu te dise que tu as bien vu. Dieu Mungu akwambia sema unaona mzuri. Il faut que ta vision. Inapashi kuona kwako. Soit exactement ce que Dieu a déjà vu. Kukua kwenye kuambatana na kule Mungu anatangulia kuona. Quand quelqu'un voit. Wakati mtu akiona. Que c'est Branham qui est Elohim. Ya kwamba Branham njo Elohim. Branham est Dieu. Branham njo Mungu. Dieu ne peut jamais le dire tu as bien vu. Mungu achezi kama kumwambia sema unaona mzuri. Parce que selon la vision de Dieu. Kufuatana na kuona kwa c'est Mungu. Jésus Christ qui est Dieu. Yesu Kristo njo Mungu. Ce n'est pas Branham. Aina Branham hapana. Pour que Dieu te dise tu as bien vu. Dieu ya Mungu akwambia sema unaona mzuri. Il faut que ce que tu vois. Inapashi bila kunaona. Soit ce que Dieu a déjà vu. Bikwe njo bile Mungu alitangulia kuona. Parce que Dieu est toujours en avance. Dieu Mungu ya natangulia kambele ya bitu biote. Esaïe 46 verset 10. Isaya makumi ine na sita mstari ya kumi. Il est écrit. Banandika hivi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Niku natanguria kutangaza tangia mwanjo ile itafika. et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Natangia zamani kile akiatimilika. J'ai dit ni kuna sema mes arrêts subsisteront. Na misemo yangu kuna dumu. Et j'exécuterai toute ma volonté. Natatimiza mapenzi yangu yote. C'est moi. Ni mimi. Qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Ule konaita toka asubuhi ndeke za anga. D'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Mbari mutu jua kwa kutimiza makusudi yangu. Je l'ai dit. Nalisema. Et je le réaliserai. Nantaitimiza. Je l'ai conçu. Nalitunga. Et je l'exécuterai. Nantaitimiza. Frère. Nduku. Dieu n'échouera jamais. Mungu hawezi kamwe kushindwa. Vous savez quand Jésus était tué? Unaona wakati bali muua Yesu. Les Juifs. Bayuda. S'étaient réjouis. Barifurai. Croyant que le plan de Dieu a échoué. Barizani asema mapu ya Mungu inashindwa. Mais ils ne savaient pas que même la mort de Jésus faisait partie du plan de Dieu. Abakuyu asema ta lufu lwa Yesu ilikuwa ni sehemu ya mapu ya Mungu. Ne vous tracassez jamais. Ushangaike kamwe. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yote biko ako juu ya bizuri ya bale wanampenda Mungu. Quand une situation surgit. Wakati mambo fulani kitokelea. Ne vous lamentez pas. Ushangaike, ushuzunike. Utumainie Bwana. Il fera toute chose bien. Atafanya bitu vyote paka bizuri. Un chrétien, c'est pas un homme, c'est pas cet homme-là qui se plaint. Mon Christ, on a mutu à kuiririya, ririya, pana. Dans la prédication, il prend soin et vous. Mon maubiri, eko ne miangaiki, basi moye. Faut pas me dire là-bas. Donc, brana marukwa nasema. Quand vous voyez un homme, mukiona mutu, qui se plaint constamment de son sort. Kila wakati kupaka ne ririya mambo yake. Il dit. Et qu'on a sema. C'est le couronnement de Satan dans la vie de Satan. Manake, njo taji ya shetani mu maisha ya ule mutu. Donc, un homme qui se plaint. Mutu le kupa ne ririya, ririya. Ça signifie que cet homme n'a pas de solution. Manake, ule mutu ana na jibu. Oh, nous les chrétiens. Japo si ba Kristo. Jésus est la solution à tout le monde. Yesu njo jibu wa mambo yetu yote. Pourquoi on doit se plaindre? Juu ya nini kuiririya, ririya. Pourquoi? Dieu a nini kununi. La solution est là. Diapo, jibu iko pale. Celui qui se plaint, c'est celui qui n'a pas de solution. Ule kuna nungunika ni ule ana na jibu. Romains 28. Warumi 9 makumi 28. Il est écrit ici. Wanaandika hivi. Romains 28. Warumi 9 makumi 28. Car le Seigneur. Kwani Bwana exécutera pleinement. Atatimiza na utele yote. Et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Na kwa ghafla padunia ile alichukua sawa mpango. Cette écriture règle la question. Hii andiko inamaliza mambo yote. Le Seigneur n'exécutera pas à moitié. Bwana atatimiza kipande, hapana. Il exécutera pleinement. Atatimiza na katika utele yote. C'est-à-dire. Manake. Tout ce que Dieu a résolu. Ile biote Mungu alichugua sa mapu. Il l'exécutera. Atabitimiza. Pas moitié. Apana kipande. Pleinement. Na utele yote. Et rien ne fera défaut. Hakuna taki moya kitakosekana. Tout ce que Dieu a arrêté, Dieu l'exécutera. Ile biote Mungu alichugua sa mipango ataitimiza. Et tout ce qui est écrit dans la parole, Dieu le fera. Na ile yote iliandikiwa muneno Mungu ataitimiza. Dieu ne chouera pas. Mungu ashezi kushindwa kamwe. Isaïe 34:16. Isaïa 34:16. Isaïe 34:16. Isaïa 34:16. Il est écrit ceci. Banandika hivi. Consultez le livre de l'Éternel. Mulize kitabu ya Yehova. Élisez. Na muisome. Regardez, le livre de l'Éternel, c'est ça. Kitabu ya Yehova ni Biblia. La Bible, c'est ça le livre de l'Éternel. Biblia njo kitabu ya Yehova. Consultez le livre de l'Éternel. Manake muulize kitabu ya Yehova. Et lisez. Na mwikisome. Aucun d'eux ne fera défaut. Hakuna ta moya ile takosekanamo. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Hakuna ta moya wala ingine ile takosekana. Frère. Ntuku. Notre Dieu ne fait pas seulement des promesses. Mungu wetu alakake bule. Mais quand il donne les promesses, wakati il est aussi capable de les accomplir. Akilaka malako eko na uwezo wa kuitimiza. C'est pourquoi la Bible dit. Njoko maana Biblia inasema. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ula rilaka ni mwaminifu. Ni l'un ni l'autre manqueront. Hakuna ta moya wala ingine takosekana. Sa bouche l'a ordonné. Kwani kinywa yake na yamuru. C'est son esprit qui les rassemblera. Ni roho yake ndio itakubikusanisha. Dans l'œuvre de Dieu. Mukazi ya Mungu. Il y a deux éléments. Mukubitu mbili. La parole, neno, et l'esprit. Naro. Ce sont deux éléments qui ont coopéré depuis la création jusqu'à la rédemption. Nibi bitu biwiri biri sikilizana tangia mwanzo kufika na kunyanyuliwa. Et ce sont deux éléments que le diable déteste. Nibi bitu biwiri bile shetani ashipende. La parole, neno, et l'esprit. Naro. Et ce sont ces deux éléments-là nibi bitu biwiri qui forment l'église du Dieu vivant. Jo vinatunga kanisa ya Mungu aliye hai. La parole et l'esprit. Neno na roho. Même pour naître de nouveau. Atajua kuzaliwa mara ya pili. Il faut la parole et l'esprit. Inapashi kukue neno na roho. Même pour la vraie adoration. Atajua mabudu mazuri. Elle se fait en esprit et en vérité. Inafanyika katika roho na katika ukweli. La vérité c'est quoi? Na ukweli ni nini? La vérité c'est la parole. Ukweli ni neno la Mungu. Dans Jean 17 verset 17. Mu Yohana 17 17. Le Seigneur a dit, Mwana alisema, Baba, sanctifie-les par ta vérité. Ubatakase kupitia ukweli yako. Ta parole est la vérité. Neno lako ndio ukweli. Donc ce sont les deux éléments. Nibitu bibiwili. Même quand l'église a chuté. Ataka makanisa lianguka. En 325. Mu 325. Au concile de Nicée. Kule kushauri ya Nicée. Qu'est-ce que le diable avait attaqué? Nini li shetani alikombanisha? La parole. Alikombanisha ni neno la Mungu. Il a enlevé la vraie doctrine. Aliondosha mafundisho ya kweli. Il a remplacé par la Trinité. Analeta hapo mafundisho ya Mungu mtatu. La parole n'est pas là. Wakati neno la Mungu hailapo. L'esprit aussi s'en ira. Rona yo taenda. Parce que le Saint-Esprit. Duro mtakatifu. Si seulement la parole de Dieu. Iko nafuata paka neno la kweli. Et conduit seulement dans toute la vérité. Na iko naongoza paka katika ukweli yote. C'est vrai. Ni kweli. Il dit, anasema, car son esprit qui les rassemblera. Kwani ni roho yake ndio itabikusanisha. Ésaïe 14 24 à 27. 24 24 et 27. Isaïa 14 24 na 27. Voilà. Ésaïe 14 24 et 27. Isaïa 14 24 na 27. L'Éternel des armées l'a juré en disant, Yehova majesi aliapa na kusema, oui, ndiyo, ce que j'ai décidé arrivera. Ile nalichugua sawa mpango itafika. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ile nalichugua sawa mpango itatimilika. Verset 27. Makumbi na saba. L'Éternel a pris cette résolution. Yehova majesi alichugua mpango. Qui s'y opposera? Nani yule ataipinganisha? Frère. Nduku. Quand Dieu prend une décision. Wakati Mungu akichugua mpango. Personne ne s'opposera. Hakuna Mungu, hakuna mtu wa kuipinganisha. Satan. Shetani. Peut tendre sa main. Anaweza kunyolosha mkono yake. Le Seigneur peut enlever la main de diable. Bwana atatosha mkono ya shetani. Mais si Dieu tend sa main. Kama Mungu akinyolosha mkono yake. Personne ne la détournera. Hakuna yule ataitenkesha. Et ce qui nous fait du bien ici, ile kunatufanya vizuri hapa, vous et moi, mwena chie, nous sommes dans la main du Seigneur. Tuko mu mkono ya Bwana. Et il a dit dans sa parole, na alisema muneno lake, celui que je tiens dans ma main, ule mina shika mkono yangu, nul ne ravira de ma main. Hakuna ule atamutosha mkono yangu. Ça, ça nous fait du bien. Hii, ndio inatufanya vizuri. Vous savez pourquoi Frère Branham n'a pas été vaincu dans son âge, à son temps? Munayua juu nini ndugu Branham ashikushindiwe mwakati yake? Parce qu'il était une étoile dans la main droite. Juu alikuwa ni nyota mu mkono ya Bwana. C'est comme quand il lançait les défis, il le relevait. Hata wakati alikuwa anapinganisha yeye mwenyewe alikuwa tena anapingulula. Parce qu'il était dans la main droite du Fils de l'homme. Juu alikuwa mu mkono ya Bwana. Et vous et moi, mwena shiye, nous sommes aussi dans sa main. Nashituku mukono ya Bwana. C'est-à-dire, manaki, personne ne nous vaincra. Hakuna ola tatushinda. L'église du Dieu vivant, mkanisa Mungu aliye hai, c'est une armée invincible. Ni jeshi la uwezo kushinda. Il a dit, alisema, sur ce rock, pai mwamba, je bâtirai mon église. Tayenga po kanisa yangu. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Milango ya adeza Yesu iko ikombanisha. Frère, nduku, quelles que soient les attaques de l'ennemi, ijapokuwa kushambuliwa kwa adui, nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est tuko kushindia mshindaji kupitia ulishinda. Ça, il faut le croire. Inapashi kuyamini vile. Même à quelques minutes de ta mort, hata madakika iloko, continue à croire que tu es vainqueur. Uendelee kuamini asema uko mshindaji. C'est vrai. Ni kweli. Il dit, asema, l'Éternel a pris cette résolution. Yehova alichukua mpango. Qui s'y opposera? Nani ule ataipinganisha? Sa main est étendue. Mkono yake nanyoloka. Qui la détournera? Nani ule ataiondosha? Je vais montrer dans cet âge, frère. Tamionesha mwiki zazi nduku. Dieu a décidé. Mungu alichukua mipango. En disant, Mukusema. William Branham, c'est Élie le prophète. William Branham, Joe Elia Nabi. Qui peut changer ça? Nanu la taibadirish. Même s'il est mort. Ataka manesha kufa. Mais c'est lui Élie le prophète. Alakini yenjo Elia Nabi. La preuve. Akikisho. La révélation de la parole dans cet âge est venue à lui. Ufunuo ya neno la Mungu muikizazi ilitokea ni kwake. Il nous a apporté des choses qu'on ne voyait pas. Arituleta bintu bila atukuone. Et il ne les a pas fabriqués. Ashikubitunge apana. C'est Dieu qui les lui a donné. Ni Mungu ndio alimpatia abio. C'était la décision de Dieu. Ilikuwa ni mipango ya Mungu. Que tu le veuilles ou pas. Upende wala upende. C'est une décision irrévocable. Ni mipango ila wezi kukatana. Même si y a beaucoup de gens qui ne croient pas ça. Hata kama kubantu mingi abayamini. Branham, c'est Élie le prophète. Branham ndio Elia nabii. Ça ne dépend pas de ton humeur. Aifatane na kutaka kwako. Ça ne dépend pas de ta volonté. Aifatane na ukatala kwako. Ça dépend de la volonté de Dieu. Alakini unafuatana paka na mapenzi ya Mungu. Branham est parti. Branham anenda. Tu as suscité un autre homme. Mungu alilamusha mtu mwingine. Pour prendre le message. Jua kuchukua mjumbe. Et l'amener jusqu'aux extrémités. Na kuipeleka na kumipaka ya dunia. Ewald Frank. Ewald Frank. Il a pris ce message. Alichukua ujumbe. Il a sacrifié toute sa vie. Alitoa maisha yake yote. Pour amener cette parole. Jua kupeleka hii neno. Jusqu'aux extrémités de la terre. Kufika na kumipaka ya dunia. Les tonneristes n'ont pas cru ça. Ba minguluma bakubiamini. Ils l'ont critiqué. Bari mubeula. Ils l'ont minimisé. Bari muzarau. Mais aux yeux de Dieu. Kumacho ya Mungu. L'homme choisi pour ce service. Mutule va chagua jua hii kazi ni ndugu Frank. Si toi tu ne le crois pas. Hata kama wewe ubiamini. C'est lui que Dieu a choisi. Jo ule Mungu ya alichakula. Qu'est-ce que tu vas changer? Utabadilisha nini wewe? On est chez nous ici. Wo kwetu huku. Nous ne croyons pas ça, c'est votre problème. Atuamini vile, ni mambo yako. Mais aux yeux de Dieu. Kumacho ya Mungu. C'est celui-là. Jo ule Mungu alichagua. Et personne ne changera ça. Hakuna mtu ataibadilisha. C'est pourquoi vous allez voir. Njo kwa maana mtaona. Cet homme-là. Uyu mtu. Quand le pays du monde entier voulait partager Israël. Wakati watu wa ulimwengu mzima walipenda kugawanya Israeli. Il a pris une lettre. Alichukua barua. Tous les présidents de ces pays-là. Anaandikia ba raisi bote ba ile mainchi. Ça s'appelle lettre ouverte. Manake banaita si ni barua ya wazi. Sur internet. Ni ku internet. Il a écrit même à la Ligue arabe. Anaandikia ta watu ba arabu. Il a écrit. Alibandikia. Il dit Israël c'est le pays de Dieu. Anasema Israeli ni nchi ya Mungu. Ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Bale bantu ni batu ya Mungu. Il dit aux Arabes, même Mahomet, votre prophète. Akambia ba Arabu, hata Mahomet, nabi wenu. A reconnu que Israël, c'est le peuple de Dieu. Aritambua sema Israël ni taifa ya Mungu. Il a écrit à tout ce monde. Ariandikia bale bantu bote. Et personne ne l'a touché. Hakuna mutu la rimugusa. Pourquoi? Juu ya nini? Dans la main du Seigneur. Eko mukono ya Bwana. Il prend un livre. Achukue kitabu. Frère. Nduku. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Kama Mungu yuko ngambo yetu, nani yule atatukombanisha? Il a écrit un document. Anaandika kitabu kimoya. La religion de l'islam. Kenye kuitwa dini ya Kiislamu. Et dans ce document. Mwile kitabu. Il montre que Mahomet était un faux prophète. Anaonesha se Mahomet ni nabii wa bongo. Il montre que Allah c'est un faux Dieu. Anaonesha se Allah ni Mungu wa bongo. Frère, Nduku. Mais un homme normal essaye de faire ça. Muntu tu wabule, akipime kufanya vile. Tu commenceras à te cacher dans les cavernes. Utaanza kufuchama umanshimu. Salman Rushdie. Pardon? Salman Rushdie. Salman Rushdie. C'est lui qui a écrit les versets sataniques. Ula aliandika ma verset satanique. Jusqu'aujourd'hui. Kufika na leo. Il se cache. Eko na fuchama fuchama. Il est toujours protégé par la police britannique. Beko na muchunga kubaskari baba baba baba. Parce qu'il a écrit quelques versets sataniques. Baungereza. Jo aliandika ma verset qui satanique. Alakine Ewald Frank. Déclare le Dieu de l'islam un faux Dieu. Anasema Mungu wa Islamu ni Mungu wa bongo. Il déclare Mahomet faux prophète. Anasema Mahomet ni nabii wa bongo. Et il se lève, il va dans les pays des musulmans, il prêche. Personne ne le touche. Nana lamuka nenda na muincha ma Islamu na kuhubiria kuna kumgusa. Manake ni mkono wa Mungu ndio alikuwa yulu yake. C'est quelque chose de surnaturel. Ni kitu kia kutoka kwa Mungu. Il faut que chacun comprenne. Inapashi kila moja elewe. Dieu te tient dans ta main. Kama Mungu anakushika mkono yake. Hakuna mtu atakuondosha mo. C'est vrai. Ni kweli. Le diable peut avoir des mauvais complots contre cette église. Shetani anaweza kutunga mambo mbaya juu ya kanisa juu ya konayo. Mais si Dieu n'a pas encore terminé avec nous, kama Mungu ashiamaliza nasi, rien ne nous arrivera. Hakuna kitu kibaya kitatufikia, pana. Rien ne nous arrivera. Hakuna kile kitatufikia. Nduku, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ni makusudi ya Mungu ndio itatimilika. Ça il faut le savoir. Inapashi mujue vile. Et les gens boudaient. Bantu barikatala. Mais Frank a fait sa mission. Alakini Frank alifanya kazi yake. Il a amené un message partout. Alipeleka ujumbe fazi yote. Il nous a enseigné sa parole. Alitufundisha neno la Mungu. Et aujourd'hui Dieu a terminé. Sasa leo Mungu anamaliza naye. Il est parti. Alienda. Et ne pensez pas que comme il est mort, c'est une défaite. Mushiwazia sema vile anakufa kunaisha tunashindwa. Dieu n'échouera jamais. Mungu hawezi kama kushindwa. L'homme ne meurt qu'au temps prévu par Dieu et de la manière prévue par Dieu. Mtu wote konakufa paka munamu na ile Mungu alitunga na munamu na wakati ile Mungu alitunga. C'est ce qu'il faut retenir, frère. Jo ile munapashi kushika. Aujourd'hui, frère. Leo induku. Dieu est à l'œuvre. Mungu yako mukazi. Dieu continue d'être à l'œuvre. Mungu yako nendelea kutumika. Et Dieu sera à l'œuvre jusqu'à la fin. Na Mungu atendelea kutumika kufika na kumwisho. Ce qui nous fait du bien. Ile natufurahisha. C'est avec nous que Dieu achèvera. Ni pamoja nasi ndio Mungu atamaliza. Ça veut dire que Dieu achèvera. Munayua sema Mungu atamaliza nasi. C'est la vérité. Ni kweli. Nombre 23:19. Esabu 23:19. Il est écrit ceci. Manandika hivi. Nombre 23:19. Esabu 23:19. Il est écrit. Manandika hivi. Dieu n'est point un homme pour mentir. Mungu ana muntu juu apate kusema uongo. Ni un fils d'un homme pour se repentir. Wala mwana wa watu juu apate kujuta. Ce qu'il a dit. Qu'il a risema. Ne le fera-t-il pas? Eti, hasta kitimiza. Ce qu'il a déclaré. Qu'il a ritangaza. Ne l'exécutera-t-il pas? Eti, hasta kitimiza. Assemblée de Kambov. Kanisa ya Kambov. Tout ce que Dieu a dit, il l'exécutera. Bile biote Mungu alisema atabitimiza. Il a promis de nous enlever. Arilaka sema atatunyanyua. Même si les dénominations se réunissent, mama, nous serons enlevés. Mazebu inakusanika, tutanyanyuliwa. Dieu ne jouera jamais. Mungu achezi kushindwa kamwe. Les Juifs et les Romains. Bayuda na Baroma. Ils ont pris une grosse pierre dénominationnelle. Barichugua jiwe munene ya kizebu. Ils ont placé devant la tombe de Jésus. Bakaiweka ku kaburi ya Yesu. Afin de lui barrer la route. Ili bamuzibirie njia. Pour qu'il ne sorte pas du tombeau. Juu ashitoke mukaburi. Mais le matin de la résurrection. Alakini asubuhi ya ufufuko. La pierre était sur place. Ribo ilikuwa paka pali. Jésus est sorti du tombeau. Yesu alitoka mukaburi. Et les anges sont descendus. Bamalaika barishuka. Pendant que Jésus était sorti. Wakati Yesu alikuwa anaisha kutoka amo. Jésus est sorti du tombeau, la pierre était sur place. Yesu alitoka mkaburi, ribo yashipa kutenga. Parce qu'il y a des gens qui pensent que. Hu bantu bena wazia sema. Jésus attendait que les anges viennent rouler la pierre afin qu'il sorte. Yesu aranza kuchunga wa malaika basukume ribo njoo atoke hapana. Notre Jésus est le tout puissant. Yesu wetu ni wa uwezo wote. Il ne dépend pas d'un ange. Ashiangaria asema malaika mufanshi. Mais ce sont les anges qui dépendent de lui. Ba malaika ndio wewe unamwangalia iba fanshi. Ce matin de la résurrection. Il a subu ya ufufuko. Jésus est sorti. Yesu alitoka mo. La pierre était toujours. Ribo ilibakia paka pale pa mulango. Quand les femmes sont arrivées. Wakati baramuke barifika. Les anges sont descendus. Ba malaika baranshuka. Ils ont roulé la pierre. Banasukuma ribo kisha. Ce n'était pas pour que Jésus sorte. Aikwe juu Yesu atoke hapana. C'était pour dire aux femmes. Ilikuwa juu akonesha bana. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Dieu a nini munatafuta katikati ya wafu ule mzima ana tena ule. Il est ressuscité. Anaisha fufuka. C'est la vérité, frère. Ni kweli nduku. On ne peut pas enterrer la vérité. Hawezi kuzika ukweli. Si vous enterrez la vérité, ukizika. La vérité ressuscitera. Ukizika ukweli, ukweli itafufuka. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Même dans ce temps de la fin. Hata mwi wakati ya mwisho. Malgré les mesures que le gouvernement peut prendre. Ijapokuwa mipango ile serikali inachukua. Les religieux peuvent prendre. Ijapokuwa bato wa makidini ile watachukua sa mipango. La vérité ne sera jamais enterrée. Ukweli ya mwezi kama kuizika. Dieu confirmera sa parole. Mungu atendelesha kuhakikisha neno lake. Et vous le verrez. Na mutaiona. Le but de Dieu pour nous. Kifukuzia Mungu kwetu. Sera atteint. Itafika. Quel est le but? Ni kifuguzio gani? C'est l'enlèvement. Ni kunyanyuliwa. Je vous dis ce soir. Na miambia mangaribi ya leo. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Bipande wala bishuke. Que le diable le veuille. Shetani apende wala katale. Vous et moi, nous serons enlevés. Na miye, tutanyanyuliwa. Nous serons enlevés. Tutanyanyuliwa. C'est sûr, frère. Ni kweli nduku. Et je vous dis ce soir. Na miambia mangaribi ya leo. Ne vous tracassez plus. Mushangaike tena. Vous êtes au bon endroit. Mungu bafashi mzuri. Et vous êtes du bon côté na de l'histoire. Kungambo mzuri adisi. C'est la vérité, frère. Ni kweli nduku. Bien mes frères et sœurs. Bapendo banduku na badala. Il dit ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il a dit eti asta itimiza. Ce qu'il a déclaré. Il a ritangaza. Ne l'exécutera-t-il pas? Eti asta itimiza. Mais il a déclaré que nous enlevions. Aritangaza sema tatunyanyula. Il l'exécutera. Ata itimiza akika. Il a déclaré que les morts en Christ ressusciteront. Aritangaza sema bafu katika Kristo batafufuka. Ressusciteront. Batafufuka akika. Il a déclaré que par ses meurtres nous avons été guéris. Arisema mvidonda vyake tunatunzwa. Effectivement frère, nous avons été guéris. Akika tunatunziwa. Nous ne sommes pas guéris aujourd'hui. Atutunzo leo apana. Nous avons déjà été guéris. Turitunzo waka zamani. La guérison divine. Utunzo wa kimungu. C'est un fait divin déjà accompli. Ni mambo ya kimungu yenye kufanika zamani. Vous n'avez qu'à croire. Mwenye muamini tu. Et vous le verrez s'accomplir. Na mutaiona kutimilika. Vous savez, même quand Dieu regarde son église. Wata wakati mungu anangaria kanisa yake. Dieu nous voit déjà parfait. Mungu yako natona tuisha kwa bakamilifu. C'est nous qui sommes limités. Shinjo tukuma mipaka. Nous regardons là. Tunangaria paka hapa. Mais Dieu connaît la fin avant le commencement. Mungu anayua mwisho mbele ya mwanzo. Quand Dieu nous regarde. Wakati Mungu anatuangalia. Il nous voit déjà parfait. Anesha tuona bakamilifu. Un homme justifié. Mutu mwenye kuhesabiwa haki. C'est un homme qui aux yeux de Dieu. Ni mtu ule kumacho ya Mungu. Il n'a jamais péché depuis qu'il est mort. Ashia tendaka zambi tangia dunia iko hapo. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits. Manake kumacho ya Mungu tuku kamilifu. Mais dans le temps, alakini mumuakati, nous nous perfectionnons. Tuku najikamilisha. Nous tendons vers le parfait. Tuku naelekea kumukamilifu. Mais aux yeux de Dieu, kumacho ya Mungu ye, déjà parfait. Tuishe kuwa kamilifu. Maintenant, pourquoi Dieu va se démerder, va s'inquiéter? Mungu angaike angaike kubile bilikuwako. Quand Dieu a vu Douglas ici, déjà parfait. Wakati Mungu alitangulia kumona Douglas mukamilifu. Même quand les démons viennent tenter Douglas. Ataka mama demona inakuwa kumu jaribu. Douglas ne tombera pas. Mungu anayua sema Douglas asitanguka. C'est la vérité, frère. Ni kweli nduku. C'est pourquoi la Bible dit. Jo kama na Biblia nasema. Si Dieu est pour nous. Kama Mungu yako kungambo yetu. Qui sera contre? Nani ula tatukombanisha? Qui accusera les ennemis? Nani ula tastaki bateule ya Mungu? Qui les condamnera? Nani ula tabahukumu? Parce que c'est Dieu qui justifie. Jo Mungu ndio yako na hesabia haki. Tu t'imagines? Ufikiri kwanza. Tu vas m'accuser? Udaenda kunistaki? Chez Dieu? Kwa Mungu? Mais c'est le juge là auprès duquel tu vas m'accuser? Jo mwamu sikunye kule unaenda kunistaki? Il est au même moment mon avocat. Eko tena mtetezi wangu akunisemelee. Mes frères. Nduku yangu. Mais le procès déjà gagné d'avance. Manake kunaisha mimi naisha kukuwina. C'est la vérité. Kunaisha. Faites confiance à votre Dieu. Mutumainie Mungu wenu. Il ne vous décevra jamais. Achesi kumikoseya. C'est vrai. Ni kweli. Lisons une autre écriture. Tusome andiko ingine. Lisons une autre écriture. Tusome andiko ingine. Je prends Psaume 33:8-11. Zaburi 38:8 munane kufika na 11. On continuera demain. Tutendelea kesho. Psaume 38:8-11. Zaburi 38:8-11. Que toute la terre craigne l'Éternel. Dunia mzima imeogope Yehova. Est-ce que tu peux entendre un puissant amen au sort? Amen. Que toute la terre. Dunia mzima craigne l'Éternel. Imeogope Yehova. Craindre Dieu signifie kuogopa Mungu manaki refuser de faire quelque chose qui peut lui déplaire. Kukatala kufanya kitu kile akitamupendeza Mungu. Quand tu sais que ça Dieu n'aime pas. Wakati unayasema hiki Mungu ashikipende. Je le fais pas. Sitakifanya. C'est-à-dire tu as la crainte. Manake kunaogopa Mungu. Écoutez. Musikilize. Que tous les habitants du monde. Bakaji wote ba dunia. Tremble devant lui. Batetemeke mbele yake. Pourquoi? Dieu a nini? Car il dit, kwani eko nasema, et la chose arrive. Na kile eko nasema kinafika. Il ordonne, eko na amuru, et elle existe. Na ile kitu inakuwako. Frère, nduku, il faut avoir confiance en Dieu. Inapashi mutumainia Mungu. C'est le Dieu qui ne ment point. Ni Mungu la landake kamwe. Écoutez maintenant. Musikilize. L'Éternel renverse les desseins des nations. Yehova eko na bomola makusudi ya mataifa. Il anéantit les projets des peuples. Eko na teketeza mapu ya batu. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Makusudi ya Yehova eko na dumu milele. Et les projets de son cœur. Mapu ya moyo wake. De génération en génération. Ina dumu bizazi kwa bizazi. Voilà l'homme sur qui il faut compter. Jo mutu wa kutumainia ule. Voilà ce qu'il faut compter, frère. Dieu, qui est qui n'a pas choutumaini wa? Écoutez ce que frère Branham dit dans l'application. Je sais. Musigilise kile ndugu Branham anasema maubiri, anasema najua. L'application je sais. Maubiri najua. Au paragraphe 41 à 42. Nukta makumi na moja, makumi na mbili. Écoutez ce que frère Branham dit. Musigilise kile ndugu Branham anasema. Je sais, paragraphe 41 à 42. Makumi na moja, makumi na mbili. Il dit Satan ne pouvait pas noyer Noé lors du déluge. Satan a kuwezi kumuibisha Noa mumai wakati ya gariga. Avant que le but de Dieu ne fût atteint. Mbele ya kifukuzio ya Mungu haifika. Il ne pouvait pas brûler les enfants hébreux. Hakuwezi kuchoma wale watoto wa Ibrania. Manake Shadrach, Meshach na Abednego. Avant que le but de Dieu ne fût atteint. Mbele ya kifukuzio ya Mungu ipate kufika. Il ne pouvait pas tuer Job avec des ulcères et des troubles. Akuwezi kumuua Yoba na bilonda na mangaiko. Avant que le but de Dieu ne fût atteint. Mbele ya kifukuzia Mungu ifike. Le lion. Simba. Ne pouvait pas non plus dévorer Daniel. Akuwezi kumuraruwa Danieli. Avant que le but de Dieu ne fût atteint. Mbele ya kifukuzia Mungu ifike. La mort. Lufu. Et la vieillesse. Nabuze. Ne pouvait pas emporter Abraham. Akuwezi kumuchugua Ibrahim. Avant que le but de Dieu ne fût atteint. Mbele ya kifukuzia Mungu ifike. Et cela. Na ile. Ne peut pas non plus nous emporter. Ayezi kutuua. Ni m'emporter. Wala kuniua. Jusqu'à ce que le but de Dieu pour notre vie soit atteint. Kufika na pale kifukuzia Mungu ifike maisha yetu. Et il dit. Na anasema. Ainsi. Ivi. Nous en tirons une consolation. Tunapata mofaraja. Frère. Nduku. Que ces paroles soient votre consolation. Ima neno iwe faraja yenu. Satan ne peut rien vous faire si Dieu ne le permet pas. Shetani achezi kubifanya kitu kama Mungu ashiruhusu. Nani anaamini vile? Mungu amibariki. Si Dieu permet que quelque chose arrive dans ta vie. Kama Mungu anaruhusu kitu fulani kifike maisha yako. Dieu aussi aura la solution à ces problèmes-là. Mungu tena ataleta jibu kwa ile mambo. Dis-moi les problèmes qui peuvent arriver que Dieu ne peut pas résoudre. Uniambie ni mambo kani inaweza kufikia ile Mungu ana nayo jibu. La maladie? Eti ni magonjwa? Par ses meurtres sur nous avons été. Muvidonda vyake tunatunzwa. C'est quoi? Ni nini basi? La perdition? Ni kupotea. A Golgotha il a compris ça. Golgotha alitimiza wokovu juu yako. Dis-moi. Uniambie ni mambo kani. Quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Ni mambo kani ile Mungu ana nayo jibu. Cite-moi un seul. Unitai hata moja. C'est quoi? Ni nini ile? Tu n'as pas d'enfant? Hauna na watoto? Abraham a attendu 25 ans. Abraham alichunga miaka 25, Mungu anampatia mtoto. Dis-moi quel est le problème? Uniambie ni mambo kani. Tu es bloqué, il n'y a pas de passage? Hauna na kwa kwenda? Israël était devant la mer rouge. Israël alikuwa mbele ya bahari mwekundu. Mungu alifungula njia. Dis-moi quel est le problème? Uniambie ni mambo kani. Tu as peur du feu ou quoi? Unaogopa moto wala nini? On avait allumé le feu. Bali wakisha moto. Quand vous voulez jeter les trois hébreux. Wakati mpenda utuma Ibrania tatu. Mungu wetu ni moto wa kuteketeza. Alishuka mo. Il a dévoré ce feu là. Aliteketeza ile moto. Et ils sont descendus dans le feu. Na bali shuka mu moto. Calmement. Bila kitu. Les gens voyaient le feu. Batu barikuwa naona moto. Mais le feu ne brûlait plus. Moto haikuwa chome. Notre Dieu est un feu dévorant. Mungu wetu ni moto wa kuteketeza. Dis-moi quel est ton problème. Uniambie mambo yako ni nini. Tu as peur des lions. Unaogopa simba. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Yesu ndio simba wa kabila ya Yuda. Cite-moi les problèmes que tu as. Unitaye mambo ile uko nayo. Que notre Dieu ne peut pas résoudre. Ile Mungu wetu hawezi kuleta jibu. Oh non frère, mais nous sommes là. Mais comment est-ce que nous monterons? Sasa tutapanda je. Enoch est monté. Enoch est alipanda. Élie est monté. Élie alipanda. Jésus est monté. Yesu alipanda. Nous aussi nous montons. Na sisi tutapanda. C'est la vérité, frère. Ni ukweli nduku. Ce qu'il faut retenir. Kya kushika. Le but de Dieu dans notre vie sera atteint. Kifukuzio ya Mungu mu maisha yetu itafika. Dieu n'échouera jamais. Mungu haishezi kushindwa. Il n'échouera jamais. Haishezi kushindwa kamwe. C'est la vérité, frère. Ni ukweli nduku. Je lis l'écriture. Ni kuna soma andiko. Je lis l'écriture parce que je dois arrêter. On va continuer demain, Dieu voulant. Parce que mamisha sasa hivi. Tutendele shakesho. 1 Samuel 15, 29. Samuel wa kwanza 15, 29. 1 Samuel 15, 29. Samuel wa kwanza 29, 15. Il est écrit ici. Mandika hivi. Celui qui est la force d'Israël. Mwenye kwa uwezo ya Israeli. Ne ment point. Ah, le longo fiake kamwe. Et ne se répand point. Na wezi kamwe kujuta. Car il n'est pas un homme pour se répandre. Juana mutu jua pate kujuta. Celui qui est la force d'Israël. Mwenye kwa uwezo ya Israeli. Il est aussi la force de Kambove. Eko tena uwezo ya Kambove. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Est devenu notre Dieu. Anakuwa Mungu wetu. En Jésus Christ. Ndani ya Yesu Kristo. C'est vrai. Ni kweli. Et ce Dieu-là. Na ule Mungu. Est le seul sage qui soit. Jo peke yake wa hekima. Vous savez, quand des situations surgissent. Wakati mambo kifika. Il y a toujours des gens qui veulent critiquer. Kunekala bantu bakwanza uzarau. Il y a des gens qui font des bruits, qui font des déclarations. Bantu même dans les réseaux sociaux. Misemo ya ovyo hata mu mambo ya réseaux sociaux. Ah, voilà. Votre frère Frank là est mort. Oh. On va voir maintenant qu'est-ce qui va arriver. Ndugu yenu Frank ula anakufa sasa tutaona bile vitafika. Mais Jésus est vivant. Yesu sheko mujima. Frère, Jésus est vivant. Ndugu, Yesu eko mujima. C'est pourquoi, frère. Njoko mana ndugu. L'année passée, Frère Franck avait dit lors d'une prédication à Krefeld, il dit, moi, ne discutez plus. Moi, qui répète, donc Franck a dit au Krefeld, Mushibishanetena. Ne discutez plus. Mushibishanetena. Dieu lui-même confirmera sa parole. Mungu yeye mwenyewe atahakikisha neno lake. Ne discutez plus. Mushibishanetena na bantu. Et se conforme à Amos 5, verset 13. Ni amatana na Amos 7, 13. Amos 5. Amos 5. Verset 13. Musara 13. Qui dit ceci? Inasema hivi. Voilà pourquoi. Djokwa mana. Amos 5:13. Amos 5:13. Dit ceci. Inasema hivi. Voilà pourquoi. Djokwa mana. En des temps comme ceci. Umanyakati sawaii. Le sage c'était. Mwenye ekima ekone kala kimia. Voyez-vous que vous êtes des sages? Eti munamina samukuba ekima. Kumi mwikale kimia. La Bible dit, Biblia nasema, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ni mzuri kuchunga mukimia usada ya Bwana. Voilà pourquoi. Njokwa mana. En des temps comme ceci, le sage c'était. Manyakati sawai, mwenye hekima ikonekana kimia. Car ces temps sont mauvais. Du manyakati na kwa mbaya. Donc, c'est pas le temps de discuter. Aina wakati tena kubishana bishana. Taisez-vous. Mwikale kimia. Dieu confirmera sa parole. Mungu yeye mwenyewe atahakikisha neno lake. C'est vrai. Ni kweli. Et pour que nous soyons des sages. Dieu tupate kwa ba hekima. Dieu. Mungu. Nous a donné son esprit. Ari tupatia roho yake. Si vous lisez Néhémie 9, verset 20. Musoma Néhémie 9:20. Néhémie 9, verset 20. Néhémie 9:20. Il est écrit ceci. Banandika hivi. Tu leur donnes ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refuseras point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. La manne, c'était le pain descendu du ciel. Mana ilikuwa ni mukate ile ilitoka kumbini. Et le pain de Dieu aujourd'hui c'est sa parole. Na mukate ya Mungu leo ni neno lake. Dieu ne refuse pas la manne. Mungu ashikuwa katarie mana. Nilo. wala maji. Même aujourd'hui, hata leo, Dieu ne nous a pas refusé la parole. Mungu hashikutukatalie neno. La parole est avec nous. Neno iko pamoja nasi. Et la Bible dit, na Biblia inasema, tu leur donnas ton bon esprit. Ulibapatia roho yako mwema. Pour les rendre sages. Ya kubafanya bakwe baikima. Même aujourd'hui, hata leo, Dieu nous a donné son bon esprit. Mungu alitupatia roho yake mwema. Ya kutufanya tuwe baikima. C'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu 25. Je commande à mon tonon Matthieu 25. Ce qui fait la différence. Il est qu'on a l'état chanisho. Entre les vierges sages. Katika te ba bikira ekima. Et les vierges folles. Na ba bikira ba bumbafu. C'est l'huile. Ni mafuta. Et l'huile c'est quoi? Na mafuta ni nini? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. De la même manière que Dieu leur donna son bon esprit. Munamu na mwamwa Mungu alibapatia roho mwema. Mumehesabu. Pour les rendre sages. Donc va faire bako ba ekima. Aujourd'hui aussi. Leonasi. Dieu donne son Saint-Esprit aux vierges sages. Mungu on a l'état Roho Mtakatifu ba bikira ekima. Et c'est ça qui fera la différence. Na njo ile tafanya achanisho. Les sages et les folles. Katikati ya benye ekima na benye bumbafu. Voilà pourquoi quand vous allez prier maintenant. Joko mano wakati utaomba sasa. Demandez le Saint-Esprit. Uombe Roho Mtakatifu. Quand vous allez prier maintenant. Wakati ilo taomba hapa sasa. Chacun de nous. Kila mmoja wetu. Doit demander le Saint-Esprit. Anafashi kuomba Roho Mtakatifu. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit. Jo ni paka Roho Mtakatifu. Qui fait de nous des vierges sages. Jo kuna tufanya kwa babikira baekima. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Bote basipo kwa na Roho Mtakatifu. Ne ressusciteront pas. Abata fufukaka. Kamwe wakati Yesu atarudia. Ne résisteront pas. Abata fufuka pana. Et les vivants ne seront pas transmis. Na bazima abata badirishwa pana. C'est la condition pour aller dans l'enlèvement. Jo kanuni ju upate kwenda mukunyanyuliwa. C'est écrit dans Romains 8 verset 11. Bananji kumwaruma 8:11. C'est l'esprit. Kama celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Kama roho ile ilifufula Kristo toka wafu. Habite en vous. Iko ndani yenu. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il a mufufula Kristo toka wafu. Rendra aussi la vie à vos corps mortels. Itamirudisha buzima kumwili yenu ya kufa. Par son esprit qui habite en vous. Kupitia roho yake ile kundani yenu. Et c'est cet esprit-là. Nanjo ile roho. Qui marque la différence entre les sages et les folles. Jo ile kunaleta chanisho katikati ya benye ekima na babumbafu. Ce soir. Mangaribi ya leo. Demandez le Saint-Esprit plus que l'argent. Uombe Roho Mtakatifu kushindia fedha. Est-ce que tout le monde croit ça? Eti bote banaamini vile? Demandez le Saint-Esprit plus que l'argent. Uombe Roho Mtakatifu kushindia fedha. Ce soir. Mangaribi ya leo. Demandez le Saint-Esprit plus que le boulot. Uombe Roho Mtakatifu kushindia kazi. Ce soir. Mangaribi ya leo. Demandez le Saint-Esprit plus que le mariage. Uombe Roho Mtakatifu kushindia ndoa. Parce que le Saint-Esprit. Juu Roho Mtakatifu. C'est la garantie de notre résurrection. Jo akikisha ufufuko yetu. Et c'est ça l'huile dans les vases. Nanjo mafuta muvyombo. Pour les vierges sages. Kwa babikira baekima. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Bwana Mungu ambariki sana mangaribi ya leo.